Vitaly Ho. Bonjour à tous et bienvenue à ce journal dont voici d'abord les principales articulations. Cher Mohamed Rukara a terminé son mandat en tant que médiateur national burundais. Il a été remplacé ce lundi par Edouard Nduimana qui était deuxième vice-président de l'Assemblée nationale et quelques minutes ont suffi pour qu'à son tour il soit remplacé par Joki Chantal Nkurunziza. On en parle dans quelques instants. De notre côté, un ancien dignitaire est cité, non pas dans des postes aujourd'hui, mais dans un dossier de viol. Didas Kiganai, qui est aujourd'hui membre de la commission Vérité et Réconciliation, est accusé d'avoir abusé sexuellement une jeune fille de 16 ans pendant plus d'un mois. Le parent de la victime et l'association FENADEB, œuvrant dans le domaine des droits de l'enfant, appellent la justice à faire son travail. Dans ce journal également, on vous parlera de plus de 60 vaches qui ont été volées la nuit dernière sur la colline Wulinga de la commune Gihanga, en province de Bubanza. Au moins 7 bergers sont aussi portés disparus. Et puis, le parti Savanya Frode Wunyakuri appelle le gouvernement à associer toutes les parties concernées quand viendra le moment de modifier certaines dispositions de la Constitution. Encore une fois, bonjour et bienvenue à cette édition. La radio de l'avenir. Edouard Nduimana, qui était deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, a été élu nouvel ombudsman burundais dans la matinée de ce lundi. En remplacement de cher Mohamed Rukara Khalfan, 90% des députés ont voté pour Edouard Nduimana. 17 candidatures en tout avaient été présentées. Et en remplacement de M. Nduimana, Joki Chantal Nkurunziza a été élu à son tour au poste de deuxième vice-président de la Chambre basse du Parlement. Placide Niyomungere a été sur les lieux et il est maintenant avec moi au studio. Oui, Léon, c'est comme tu viens de l'évoquer, après le dépôt des candidatures au poste de l'ombudsman burundais qui s'élevait à 17, comme l'a précisé honorable Révérien Zigamasabo, président de la commission ad hoc, qui a été mise en place pour statuer sur ces dossiers de candidature. 9 avaient des dossiers incomplets sur les 8 candidats qui restaient à la liste. Dans les épreuves et interviews, honorable Edouard Nduimana était sorti le premier avec une note de 69%, suivi de M. Ami Sinhangi Wingur avec 39 et Prosper Bazombanza qui s'est absenté dans l'interview avec 32%. Cette commission a alors présenté la candidature d'Edouard Nduimana devant la Chambre basse pour qu'elle s'exprime par vote secret sur 113 députés présents avec 3 accréditations. 106 députés sur 116 ont voté pour Edouard Nduimana, soit 91,3%. 9 étaient contre avec une abstention. Comme Edouard Nduimana, l'ombudsman burundais occupait déjà le poste de deuxième vice-président à l'Assemblée nationale. Le groupe parlementaire du parti CNDD-FDD, d'où provient Edouard Nduimana, a été appelé à présenter une autre candidature en remplacement de celui qui venait d'être élu. C'est à cet effet, par vote secret également, que honorable Joki Chantal Nkurunziza a été élu dans la circonscription de la province Ruigi, a été présentée comme candidature unique et a été élue deuxième vice-présidente de l'Assemblée nationale par 111 députés sur 113 qui restaient dans l'hémicycle de Kigobe, soit un taux de 98,2%. Signalons, Léon, c'est que les cérémonies de prestation d'un nouvel ombudsman burundais Edouard Nduimana sont prévues ce mardi à l'hémicycle de Kigobe devant le président de la République. Edouard Nduimana remplace Mohamed Dirukara qui occupait déjà ce poste de l'ombudsman depuis novembre 2011 et le mandat de l'ombudsman étant de 6 ans, non renouvelable. Merci Placide. Le parti Savanya Frode Wunyakuri appelle le gouvernement burundais à consulter les partis politiques pour ce qui est de l'amendement de la Constitution nationale. Le secrétaire général de ce parti explique que l'amendement de la Constitution est une question politique, d'où selon lui la nécessité de consulter les acteurs concernés. David Nyonchungu le dit après que le Conseil des ministres ait annoncé la mise en place d'une commission chargée d'étudier les dispositions de la Constitution à amender. Suivez. Selon le rapport de la CNDI, la population a demandé que la Constitution soit révisée. la société s'est prononcée là-dessus sur cette question. Nous saisissons cette occasion pour demander au gouvernement de permettre aux partis politiques et à toutes les autres parties prenantes de donner les contributions. Aujourd'hui, la classe politique est divisée. Il y a les responsables des partis politiques qui sont au Burundi, mais il y a également d'autres qui sont à l'extérieur du pays. Est-ce que tout ce monde-là doit être consulté pour donner leur contribution quant à ce qui concerne l'amendement de la Constitution? Nous disons, s'ils veulent contribuer, ils vont donner leur contribution. Je pense que le gouvernement va voir si c'est possible de considérer les avis. Mais nous disons, nous les appelons de retourner ici au Burundi pour faire la politique. Mais il y a d'autres présidents des partis politiques qui sont poursuivis. Ces gens-là, nous disons qu'ils ne sont pas considérés. Je vous le disais en titre, plus de 60 vaches ont été volées au cours de la nuit de dimanche à lundi sur la colline Eburinga de la commune Gihanga. Nous sommes dans la province de Ubanza. Des informations en provenance de cette commune indiquent qu'au moins 7 bergers sont aussi portés disparus. Le point avec Space Caritas Kabanyan. Ces vaches ont été volées dans le silence total. On a constaté les faits ce lundi matin. Les habitants de la colline Eburinga disent ne pas comprendre comment les bergers n'ont pas crié au secours afin d'alerter les forces de l'ordre proches de la localité. Plus de 60 vaches et une vingtaine de veaux ont donc été volées par des bandits non encore identifiés, selon les témoins sur place à Eburinga. Aussi, 7 bergers qui gardaient ces vaches ont été également enlevés et restent sans nouvelles jusqu'à présent. De son côté, colonel Gaspard Baratouza, porte-parole de la Force de Défense Nationale, indique que 59 vaches qui ont été volées. Il confirme l'enlèvement de 7 bergers et ajoute que les auteurs sont des bandits non encore identifiés. Ce lundi matin, les forces de l'ordre étaient nombreuses dans la réserve naturelle de la Rukoko à la recherche de ces vaches et de ces bergers. Rappelons que c'est sur cette même colline de Eburinga où ont été dernièrement enlevés 2 fidèles de l'église méthodiste libre qui ont été Restons dans cette province de Ubanza pour vous dire que le cabinet du gouverneur a pris une décision de taxer chaque producteur de boissons prohibées d'une amende de 500 000 francs burundais. La confirmation est du gouverneur de Ubanza après que le député Fabien Manchilianino, élu dans cette province de Ubanza au titre d'indépendant, ait indiqué que certaines autorités communales de Ubanza font payer une amende allant jusqu'à 500 000 francs burundais à certains chefs de secteur accusés de complicité dans la vente de boissons prohibées. Tarsis Niongabo affirme que ce n'est qu'une mise en application de l'arrêté du premier vice-président de la République du Burundi. Suivez-les. Je vous dirais que nous, en tant qu'administratifs, nous sommes en train de mettre en application l'arrêté du premier vice-président sur l'état contre les boissons prohibées. Et cet arrêté précise que celui qui est attrapé en train de fabriquer ou de commercialiser des produits prohibés est taxé d'une amende entre 500 000 et 1 million. C'est se référant sur cet arrêté que le cabinet du gouverneur de Bouganza a pris la décision du cabinet contre les boissons prohibées de taxer chaque personne qui est attrapée dans ces conditions d'une amende de 500 000. En plus, le chef de secteur aussi de la circonscription, s'il n'a pas avisé cela, s'il est complice, lui aussi il est taxé d'une amende de 500 000. Et aussi, si nous remarquons que réellement, il tremble dedans, il est aussi limogé de ses fonctions. Alors, dire que l'administrateur n'a pas l'autorisation de demander une amende au-delà de 20 000 francs, c'est faux et archi-faux, parce que l'administrateur, c'est une autorité qui représente l'État dans sa commune et il met en application la loi des règlements de l'État dans sa commune. Et nous avons des lois et des règlements, des arrêtés sur lesquels nous référons pour ramener l'ordre dans nos communes et dans nos provinces. Cette autorité provinciale indique en outre que le groupe de jeunes qui ont frappé ce dimanche et d'autres jeunes à telle enseigne qu'un d'eux est mort à cause de ses blessures. Ce groupe ne devrait pas s'identifier aux jeunes du parti au pouvoir. Tarsis Niongabo fait savoir que ces jeunes qui ont commis ce forfait ont déjà été arrêtés et qu'il a demandé que ce dossier soit traité comme un dossier de flagrance ce lundi. Une opération de fouilles et perquisitions a été effectuée ce matin chez Athanase Nizigimana, représentant les habitants du quartier Boutere des Hans, cellule 3, en mairie de Bujumbura. Selon Athanase Nizigimana, ces policiers ont également malmené certains habitants. Il indique également qu'après avoir téléphoné à la première vice-présidence de la République, ces policiers ont changé de motif et disent qu'ils sont en train de faire un travail de routine. Les détails avec Yves Ngunziman. C'était vers 5h du matin de ce lundi que les policiers se sont introduits dans la maison d'Athanase Nizigimana pour y opérer une fouille perquisition. Athanase Nizigimana, représentant les propriétaires des parcelles du quartier Buterere 1, série 3 à mairie de Bujumbura, était dans la prière matinale comme il le fait chaque jour. Et d'un coup, il a reçu un appel d'un voisin lui signifiant que la police a encerclé sa maison. Il a par après appelé les administratifs pour savoir pourquoi la police est venue faire une fouille sans mandat de perquisition, mais ces administratifs disent également qu'ils ne connaissent pas les raisons de cette perquisition. Athanase Nizigimana a par après appelé au cabinet du premier vice-président de la République et par là, le motif a changé. Ces derniers expliquent qu'ils sont venus vérifier s'il a un cahier de ménage, ce qui a suscité pour lui plusieurs interrogations. Selon lui, toutes ces manœuvres se font dans le but de lui empêcher à poursuivre la question des parcelles du quartier Boutelier. Terre 1, cellule 3. Signalons que dans ces activités opérées par la police auprès du représentant de ses habitants, certains d'entre eux ont été malmenés et battus par la police. Le représentant de ses habitants demande que leur sécurité soit préservée en attendant la réponse que va donner la commission chargée d'étudier cette question mise en place par le cabinet du premier vice-président de la République. Vous n'avez pas Isanganiro? Vous ratez l'essentiel. Je vous le disais en titre, le parent d'une jeune fille de 16 ans qui a été retrouvée dans un hôtel à Kajaga samedi dernier affirmait que son enfant a été abusé sexuellement. Le père de la fille affirmait par ailleurs que l'auteur est connu. Il s'agit selon lui de Didas Kiganahe, un des membres de la commission Vérité et Réconciliation, CVR en sigle. Il demande que la justice soit faite équitablement. Suivez-le, il est traduit en français par Alain Désiré Boukayenez. Muntango umwana yatubariye yuko yaronse kazi muri hotel aho hari muntango 150 abimbariye gucyo. Auparavant, la fille nous avait dit qu'elle vient d'être affectée à l'hôtel Nonala situé sur la route Gatumba. Elle a ajouté qu'elle percevra un salaire équivalent à 150 000. Mais j'ai eu d'abord des inquiétudes si ce travail serait compatible avec ses études. Elle m'a rassuré qu'elle va poursuivre ses études puisqu'elle devrait travailler de 16h à 22h ou 23h. Le premier jour de son travail, elle n'a pas rentré. Le deuxième jour également. C'est pour cette raison que je me suis dirigé le troisième jour vers l'hôtel Nonala pour constater si ma fille travaille réellement là. Le gérant m'a dit que cette fille, que ma fille ne figurait pas sur la liste des employés de l'hôtel Nonala. J'ai commencé à constater que mon enfant serait entraîné dans la débauche. L'autre jour, elle est partie pour ne retourner qu'après presque un mois. Elle est partie le 7 octobre et est retournée le 25 octobre. J'ai commencé à prendre des stratégies dès son retour. J'ai pris ses frères comme garde de mon enfant et ses frères l'avaient avisé aux activistes des droits de l'homme afin qu'ils suivent les déplacements de ma fille. Ce samedi passé, ma fille s'est préparée pour sortir. Son frère a constaté qu'elle vient de partir. Il a ainsi avisé certains activistes des droits de l'homme qui l'ont poursuivie et ont constaté qu'elle s'est dirigée vers un hôtel de Kajaga. Ces activistes l'ont avisé à la police. Les policiers ayant approché dans le but de les appréhender, paraît-il que Didas Kiganahe aurait connu que les policiers étaient là. Il a directement pris fuite, laissant par là ma fille. Les policiers ont retrouvé la fille et l'ont acheminée vers la brigade Gatumba. Je demande d'abord que Didas Kiganahe paie les soins de santé pour mon enfant pour parer au plus pressé, puisque c'est lui qui l'a violé. Ensuite, il faut que la justice fasse son travail et soit rendue équitablement. Enfin, je demande que cet auteur devra payer des dommages et intérêts. « Alain Désiré, la police nationale confirmait l'information sur le viol et contre cette fillette. Pierre Nguriquier, le porte-parole de cette institution, indique que le présumé auteur a pu échapper lorsque la police s'est rendue sur le lieu à l'hôtel où il venait de passer plusieurs jours avec la victime. La même police avait des renseignements fournis par des organisations œuvrant dans le domaine des droits de l'enfant ainsi que de la famille de la victime. L'on attend le rapport de la part de l'association Seruka qui lutte notamment contre les violences sexuelles et qui a déjà entamé ses enquêtes sur ce dossier. Et du côté de la Fédération des droits de l'enfance au Burundi, l'on décrit ce viol. Maître Jacques Nshimilimana, président de FENADEB, promet de suivre de près ce dossier, mais en attendant, il appelle la justice burundaise à faire son travail et aux parents de suivre les mouvements de leurs enfants, mais aussi de dénoncer les auteurs de tels actes. Suivez-les. C'est vraiment une honte pour les parents, une honte pour le pays et surtout que le présumé auteur est une haute personnalité de ce pays. Donc ça, il faut le dire. Aujourd'hui, au niveau de la FENADEB, notre position est claire. Nous prenons acte de l'affirmation de la police donc qui a affirmé être toujours à la recherche du présumé auteur de cet acte ignoble et innommable. Et nous lançons un appel vibrant à tous les parents d'être vigilants et surtout dans ces derniers jours où la situation socio-économique du pays ne permet pas à certaines familles de répondre aux besoins de leurs filles et de leurs enfants. Et ce ne sont pas seulement les filles, même les garçons sont concernés. Donc, ça donne au comportement ignominié et nous lançons un appel vibrant à tous les parents d'être vigilants. Parce que cet acte est devenue une monnaie courante dans notre pays. Je n'ai même pas de mots franchement suffisants pour décrire cet acte. Nous demandons à la justice d'abord de faire son travail, donc de punir sévèrement des auteurs de crimes, des actes pareils. Nous demandons également à la justice, si nécessaire, de publier des récidivistes de ces actes, parce qu'ils sont connus. Ce n'est pas la première fois, ce n'est pas la deuxième fois que nous crions. Et finalement, la justice, un jour, elle va décider de publier les noms de ces récidivistes. Cela va aider aux familles, aux organisations de connaître réellement qui sont des récidivistes dans ces actes de viol envers les enfants. Et cela permettra également aux parents d'être vigilants et de crier au secours. 50 à 100 candidats, c'est l'effectif prévu pour ceux qui ont passé leur test et leur permettant d'entrer à l'ISCAM, Institut supérieur des cadres militaires. Parmi eux, 1339 candidats présentés, seulement 40 se sont absentés par des raisons diversifiées. Ce sont les propos du colonel Gaspard Baratouza, porte-parole de l'armée burundaise, ce lundi au moment de la correction des tests qui ont eu lieu samedi dernier au chef-lieu de toutes les provinces du pays. Suivez colonel Gaspard Baratouza, c'est le porte-parole du ministère de la Défense nationale. Aujourd'hui, lundi le 20 novembre 2016, c'est le jour de la correction des tests qui ont eu lieu ce samedi 19 novembre 2016 au chef-lieu de toutes les provinces du pays. Pendant le mois qui était prescrit pour appel à candidature, 1379 candidats se sont fait inscrire. Le jour du test, 1339 candidats se sont présentés et il y a eu une quarantaine d'absences pour des raisons diversifiées, mais qui n'ont pas été mentionnés. Demain ou après-demain, ils vont rassembler tout cela pour mentionner les états sur une liste. Après, les copies vont retourner au chef-lieu des provinces avec les copies des candidats. Et samedi, le 26 novembre 2016, à 7h du matin, les candidats viendront sur les mêmes lieux pour constater les résultats. Et ce jour même, il y aura passation du test de physique. Normalement, chaque année, lorsqu'on recrute à l'ISCAM, les effectifs varient entre 50 et 100. C'est l'appréciation du commandement selon les besoins. Plus de la moitié des élèves du lycée Saint-Augustin de Bilimba dans la ville de Lumonge ont été renvoyés chez eux ce lundi matin. À l'origine, ils n'ont pas contribué pour l'aide en vivres destinée aux sinistrés de Kirundo. La direction de cette école et le président du comité provincial de collecte de cette aide se rejettent la responsabilité. Le point avec Jean-Pierre Missago. Sur plus de 1000 élèves que compte cette école, plus de 500 ont été renvoyés chez eux ce lundi matin pour n'avoir pas contribué dans l'aide en vivres destinée aux habitants de Kirundo, près de l'école où ils étaient constitués en groupuscule. Certains de ces élèves renvoyés informent qu'ils sont dans l'incapacité de trouver cette aide vu leur pauvreté. D'autres trouvent injuste de leur exiger une contribution alors que leurs parents l'ont donnée. René Nitegekwa, directeur de cette école, reconnaît les avoir renvoyés dans l'optique de mettre en application une décision du cabinet du gouverneur de Rumonge, lui communiquée par le président du comité provincial de collecte de cette aide. Ce directeur dit qu'il est intéressé par les actions posées par ses élèves et non celles de leurs parents. Alphé Avialimana, président du comité provincial de collecte de cette aide, dit qu'aucun renvoi d'élèves n'est prévu dans cette collecte. Selon lui, ce qui s'est passé à Birimba est une forme de pression, mais les directeurs d'école doivent être souples, alors qu'une aide collectée en province Rumonge avait été remise à la population de Kirundo ce dimanche. Certains parents d'élèves renvoyés se demandent où va celle-là en train d'être collectée. Alphé Azaïmana informe qu'il y aura un deuxième tour. Un renvoi massif et similaire avait été effectué ce vendredi au lycée islamique de Rumonge. Jean-Pierre Misago depuis Rumonge, Radio Isanganiro. Éducation encore, Jean-Pierre. Les élèves du lycée technique Saint-Luc, nous sommes au quartier 9 de la zone Ngagara au nord de la capitale Bujumbura, ont observé un mouvement de grève et ce lundi matin, ils protestent contre la mesure de la direction visant à revoir à la hausse des frais de Minerval et jusqu'à plus de 100 000 francs burundais, suivant du moins les sections. Le directeur de l'école, Gérard Nzeimana, indique qu'une réunion est prévue pour voir si l'on peut revoir la mesure. Et puis, en page des sociétés, le nouveau marché de Ruziba au sud de Bujumbura, en cours de construction, sera un marché moderne. L'annonce a été faite ce lundi matin par le maire de la ville de Bujumbura, Freddy Monima. C'était à l'occasion d'une visite qui a été effectuée par la délégation de l'Union européenne qui a financé les travaux. Freddy Monima indique qu'avec cette nouvelle infrastructure, la population bénéficiaire va s'épanouir économiquement. Le point avec Christella Nizigama. Le nouveau marché en cours de construction au quartier Ruziba a une superficie de 1667 m², soit 1,6 hectare. Il a un centre de santé, 6 à 26 échoppes, une infirmerie, 4 hangars, une clôture habitable, une chambre froide, un bloc administratif, un bac à immondices, un cachot et une station de police. Le maire de la ville de Bujumbura, Freddy Monima, indique qu'avec son nouveau marché, la population va s'épanouir économiquement. C'est la population bénéficiaire qui, avec ce marché, ils vont s'épanouir économiquement. Ça va donner beaucoup d'emplois. Ça va aussi permettre un marché avec une hygiène exemplaire, une propreté, une salubrité. La mairie aussi pourra encaisser des recettes qui permettront de développer cette entité par rapport aux problèmes qu'ils ont, des centres de santé et autres. Donc pour cette commune, c'est une valeur ajoutée. Le maire de la ville a en outre ajouté que ce nouveau marché est doté d'un système de protection contre incendie. On construit un marché modèle et dans la construction, on a prévu des systèmes de protection, des systèmes d'évacuation, des systèmes de contre-incendie et permettront d'éteindre le marché en moins de 10 minutes. On a vu que c'est prévu des installations, des poches d'eau à forte pression et on va également former les commerçants pour savoir au moment d'un problème qui arrive de pouvoir intervenir eux-mêmes. Ce nouveau marché, comme d'autres marchés en cours de réhabilitation en mairie de Bujumbura, sont sous le financement de l'Union européenne avec un montant de 5 millions d'euros. La délégation de l'Union européenne avait fait une visite pour voir l'état d'avancement des travaux de ce marché. Ainsi s'achève cette édition. Mais avant de nous quitter, je vous rappelle simplement que Cheikh Mohamed Rukara termine son mandat en tant que médiateur national burundais. Il a été remplacé ce lundi par Edouard Nouimana, qui était deuxième vice-président de l'Assemblée nationale. Et quelques minutes ont suffi pour qu'à son tour, il soit remplacé par Joki Chantal Nkurunziza. Et d'un autre côté, un ancien dignitaire est cité, non pas cette fois dans des postes aujourd'hui, mais dans un dossier de viol. Il s'agit de Didas Kiganahe, qui est aujourd'hui membre de la commission Vérité et Réconciliation, CVR.